La boîte aux lettres. Nul ne pouvait dire la paix qui enveloppait cette cure de campagne. La paroisse était petite, honnête moyennement, facile à vivre, habituée au vieux prêtre qui la dirigeait depuis 30 ans. Le bourg finissait au presbytère. Le presbytère touchait au pré en pente qui s'en allait vers la rivière et d'où montait, à la saison chaude, toute la chanson de la terre mêlée au parfum des herbes. Derrière la maison trop grande, un potager entamait le pré. Le premier rayon de soleil était pour lui, et le dernier de même. On y voyait des cerises dès le mois de mai, des groseilles souvent plus tôt, et, une semaine avant l'Assomption, le plus souvent, on ne pouvait passer à 100 mètres de là sans respirer, entre les haies, le parfum lourd des melons mûrissants. N'allez pas croire que le curé de Saint-Philémon fût gourmand. Il avait l'âge où l'appétit n'est qu'un souvenir, le dos voûté, la face ridée, deux petits yeux gris dont un ne voyait plus, des lunettes rondes et une oreille si dure qu'il fallait faire le tour et changer de côté quand on l'abordait par là. Ah, Seigneur, non, il ne mangeait pas tous les fruits de son verger. Les gamins en volaient leur grande part, et surtout les oiseaux. Les merles, qui vivaient là toute l'année grassement et chantaient en retour de tout leur mieux. Les loriots, jolis passants qui les aidaient pendant les semaines de grande abondance, et les moineaux, et les fauvettes de tout plumage. Et les mésanges, espèces pullulantes et voraces, touffes de plumes grosses comme un doigt pendu aux branches, tournant, grimpant, piquant un grain de raisin, et graffignant une poire, vraies bêtes de rapine enfouies qui ne savent donner en récompense qu'un petit cri aigre comme un bruit de scie. Même pour elle, la vieillesse avait rendu indulgent le curé de Saint-Philémon. « Les bêtes ne se corrigent pas, disait-il. Si je leur en voulais de ne pas changer, à combien de mes paroissiens devrais-je en vouloir aussi ?» Et il se contentait de frapper ses mains l'une contre l'autre en entrant dans son verger, afin de ne pas être témoin de trop fortes déprédations. Alors, c'était une levée d'ailes, comme si toutes les fleurs des herbes folles, coupées par un grand vent, s'étaient mises à voler. Des grises, des blanches, des jaunes, des bigarrées, une fuite légère, un froissement de feuilles, et puis la paix, pour 5 minutes. Mais quelle minute! Songez qu'il n'y avait pas une usine dans le village, pas un métier ou un marteau de forge, et que le bruit des hommes, de leurs chevaux et de leurs bœufs répandus à travers les campagnes, isolés, invisibles, se fondait et mourait dans le frémissement de l'air qui montait tout le jour de la terre chauffée. Les moulins étaient inconnus, les routes peu fréquentées, les chemins de fer extrêmement loin. Si le repentir de ces dévaliseurs de jardin avait duré, l'abbé se serait endormi de silence sur son bréviaire. Heureusement, le retour était prompt. Un moineau donnait l'exemple, un jet suivait. La volière au complet se remettait à l'œuvre, et l'abbé pouvait passer et repasser, fermer son livre ou l'ouvrir, murmurer « Ils ne me laisseront pas une graine cette année ». C'était fini. Aucun oiseau ne quittait sa proie, pas plus que s'il se fût agi d'un poirier taillé en cône, de feuilles épaisses et se balançant en mesure sur le sable de l'allée. Les oiseaux devinent que ceux qui se plaignent n'agissent pas. Chaque printemps, ils nichaient autour de la cure de Saint-Philémon, en plus grand nombre que partout ailleurs. Les meilleures places étaient vite occupées, les creux des arbres, les trous des murs, les fourches à 3 branches des pommiers ou des charmes, et l'on voyait un bec brun comme une pointe d'épée sortir d'une poignée de gros foin entre tous les chevrons du toit. Une année que tout était pris, je suppose, une mésange dans l'embarras avisa cette fente régulière protégée par une planchette qui s'enfonçait dans l'épaisseur des moellons, à droite de la porte d'entrée du presbytère. Elle s'y glissa, revint satisfaite de l'exploration, apporta des matériaux et bâtit le nid, sans rien négliger de ce qui devait le tenir chaud, ni la plume, ni le crin, ni la laine, ni les écailles de lichen qui couvrent les vieux bois. Un matin, la servante Philomène arriva d'un air furieux, tendant un papier. C'était sous la tonnelle de laurier, au fond du verger. « Tenez, monsieur le curé, v'là un papier, et sale encore. Ils en font des belles. »« Qui donc, Philomène ?»« Vos oiseaux de malheur, tous les oiseaux que vous souffrez ici, ils nicheront bientôt dans vos soupières. » « Je n'en ai qu'une. »« Ont-ils pas eu l'idée de pondre dans votre boîte aux lettres ?»« Je l'ai ouverte, parce que le facteur sonnait, ce qui ne lui arrive pas tous les jours. »« Elle était pleine. Du foin, du crin, des fils d'araignée, de la plume de quoi garnir un édredon. Et au milieu de tout ça, une bête que je n'ai pas vue, qui siffle comme une vipère. » Le curé de Saint-Philémon se prit à rire, comme un aïeul à qui l'on raconte les frasques d'un enfant. « Ça doit être une mésange charbonnière, dit-il. Il n'y a qu'elle pour inventer des tours pareilles. N'y touchez pas surtout, Philomène. Il n'y a pas de danger pour ce que c'est beau. » L'abbé se hâta, traversa le jardin, la maison, la cour plantée d'asperges jusqu'au mur de clôture qui séparait le presbytère du chemin public, et là, d'un effort discret de la main, entr'ouvrit la niche monumentale où la correspondance annuelle de toute la commune aurait pu tenir. Il ne s'était pas trompé. La forme du nid en pomme de pin, sa couleur, la composition de la trame, de la chaîne et de la doublure qui transparaissaient l'épanouirent. Il écouta le sifflement de la couveuse invisible et répondit : « Sois tranquille, petite, je te connais. 21 jours d'incubation. 3 semaines pour élever la famille. C'est ce que tu demandes. Tu les auras. J'emporte la clé. » Il emporta la clé, en effet, et quand il eut rempli ses obligations du matin, visite à des paroissiens dans la peine ou dans la misère, recommandation au messager qui devait choisir pour lui des graines à la ville, ascension du clocher dont un orage avait descellé quelques pierres, il se ressouvint de la mésange et songea qu'elle pourrait être troublée par l'arrivée d'une correspondance, la chute d'une lettre en pleine couvée. L'hypothèse était peu vraisemblable. On ne recevait à Saint-Philémon pas plus de lettres qu'on en expédiait. Le facteur n'était guère qu'un promeneur mangeant la soupe chez l'un, buvant un coup chez l'autre et remettant, de loin en loin, une épître de conscrit ou un avis d'impôt dans une ferme écartée. Cependant, comme la Saint-Robert approchait, laquelle, comme on sait, tombe le 29e jour d'avril, l'abbé crut prudent d'écrire aux 3 seuls amis vraiment dignes de ce nom que la mort lui eût conservé, un laïc et 2 clercs. « Mon ami, ne me souhaitez pas ma fête cette année. Je vous le demande. Il me serait désagréable de recevoir une lettre en ce moment. Plus tard, je vous expliquerai, et vous comprendrez mes raisons. » Ils crurent que son œil déclinait et n'écrivirent point. Monsieur le curé de Saint-Philémon s'en réjouit. Pendant 3 semaines, il ne passa pas une fois dans l'encadrement de la porte sans penser aux œufs tiquetés de rose qui reposaient là, tout près, et quand le 22e jour eut sonné, s'étant courbé, il écouta, l'oreille collée aux lèvres de la boîte, puis se redressa radieux. « Ça gazouille, Philomène, ça gazouille !» « En voilà qui me doivent la vie, par exemple, et ce n'est pas eux qui regrettent ce que j'ai fait, ni moi non plus. » Il avait en lui, tout vieux qu'il fût, des coins d'âme d'enfant qui n'avaient pas vieilli. Or, en même temps, dans le salon vert de l'évêché, au chef-lieu du département, l'évêque délibérait sur les nominations à faire avec ses conseillers ordinaires, ses 2 vicaires généraux, le doyen du chapitre, le secrétaire général de son évêché et le directeur du grand séminaire. Après avoir pourvu à quelques postes de vicaire et de desservant, il opina ainsi. « Messieurs du conseil, j'ai un candidat de tout point excellent pour la cure de X, mais il me paraît convenable de proposer du moins cette charge et cet honneur à l'un de nos plus anciens desservants, celui de Saint-Philémon. Il n'acceptera pas, sans doute, et sa modestie non moins que son âge en sera la cause, mais nous aurons rendu hommage autant qu'il est en nous à sa vertu. » Les 5 conseillers furent unanimes dans l'approbation, et le soir même, une lettre partait de l'évêché, signée par l'évêque, et qui portait en post-scriptum. « Répondez immédiatement, mon cher curé, ou plutôt, venez me voir, car je suis obligé de faire ma proposition d'ici 3 jours au gouvernement. » La lettre parvint à Saint-Philémon le jour même de l'éclosion des mésanges. Elle fut glissée avec peine par le facteur dans l'ouverture de la boîte. Il disparut et resta là, touchant la base du nid comme un pavage blanc au fond de la chambre obscure. Et le temps vint où, sur les ailerons des mésangeaux, les tuyaux bleus, tout pleins de sang, se garnirent de duvet. 14 petits, piaillant, flageolant sur leurs pattes molles, le bec ouvert jusqu'au-delà des yeux, ne cessèrent, de l'aube au soir, d'attendre la becquée, de la manger, de la digérer et d'en demander d'autres. C'était la première période où les nourrissons n'ont pas d'esprit. Elle dure peu pour les oiseaux. Bientôt, il y eut des disputes dans le nid, qui commença à céder sous l'effort des ailes. On y fit des culbutes par-dessus bord, des excursions le long des parois de la boîte, des stations près de l'entrée de la caverne par où se glissait l'air du monde. Puis on se risqua dehors. Le curé de Saint-Philémon assista d'un près voisin avec un extrême plaisir à cette garden party. En voyant les petits apparaître sous la planchette de la boîte aux lettres, 2, 3 ensemble, pour prendre leur vol, rentrer, repartir comme des abeilles à la trappe d'une ruche, il se dit « Voilà une enfance terminée et une bonne œuvre finie. Ils sont tous de rue. » Le lendemain, pendant l'heure de loisir qui suivait le dîner, il se rendit près de la boîte, la clé en main. « Toc, toc » fit-il. Rien ne répondit. « Je le pensais bien, » murmura le curé, et il ouvrit, et, mêlé aux débris du nid, la lettre lui tomba dans les mains. « Grand Dieu !» dit-il en reconnaissant l'écriture, « une lettre de Monseigneur, et en quel état, et depuis quel temps ?» Il pâlit en la lisant. « Philomène, attelez Robin, et vite !» Elle vint voir avant d'obéir. « Et qu'avez-vous, monsieur le curé ?» « L'évêque m'attend depuis 3 semaines. »« Ça ne se rattrape pas, » dit la vieille. L'absence dura jusqu'au lendemain soir. Quand le curé de Saint-Philémon rentra chez lui, il avait l'air paisible, mais la paix quelquefois ne va pas sans effort, et nous luttons pour la maintenir. Quand il eut aidé à dételer Robin, donné l'avoine, changé de soutane et vidé le coffre où il rapportait 20 petits colis achetés pendant l'expédition urbaine, il était l'heure où, dans les branches, les oiseaux se racontent la journée. Une pluie d'orage était tombée. Des gouttes d'eau pleuvaient encore des feuilles remuées par ces couples de bohémiens cherchant la bonne place pour la nuit. En reconnaissant leur maître et ami qui dévalait l'allée sablée, ils descendaient, voletaient, faisaient un bruit inusité. Et les mésanges, celles du nid, les 14 encore mal emplumés, essayaient leur première spirale autour des poiriers et leur premier cri à l'air libre. Le curé de Saint-Philémon les observa d'un œil paternel, mais avec une tendresse mélancolique, comme on regarde ceux qui nous ont coûté cher. « Allons, mes petites, » dit-il, « sans moi, vous ne seriez pas ici, et sans vous, je serais curé du canton. Je ne regrette rien, non, mais n'insistez pas. Vous avez la reconnaissance bruyante. » Il frappa dans ses mains, impatienté. Et jamais il n'avait eu d'ambition, non, bien sûr. Et en ce moment même, il était véridique. Cependant, le lendemain, après une nuit coupée d'insomnie, causant avec Philomène, il lui dit « L'année prochaine, Philomène, si la mésange revient, vous me préviendrez. C'est incommode, décidément. » Mais la mésange ne revint pas, ni la grande lettre timbrée aux armes de l'évêque.